Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Something. Acoustique de l'érotisme. De Franck Thoraval et Nathalie Battus. Le Minotaure, né des amours de Pasiphaé et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon, est un monstre fabuleux, possédant le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Au niveau symbolique, le Minotaure représente l'homme, dominé par ses pulsions instinctives. Imaginons que Thésée ait essayé de l'apprivoiser, ou de l'amadouer au lieu de le tuer. Imaginons que les êtres humains cherchent à vivre avec leurs pulsions instinctives, à les connaître, à les explorer, au lieu de s'en couper. Et allons aux côtés de Thésée, sillonner ce labyrinthe sonore, où résonne encore la plainte du Minotaure, tourmenté par son désir, ses pulsions, ses manques, et les voix des jeunes garçons et jeunes filles envoyés en sacrifice dans le labyrinthe, qui, avant la venue de Thésée, avaient survécu en ne craignant pas le monstre. Eva Téléphone Rose, bonjour. Tu t'appelles comment ? Salut Henri. Tu vas bien ? Ben oui, super, et toi ? Ça va pas trop ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'es apiculteur, d'accord, très bien. Et tu m'appelles pourquoi aujourd'hui, Henri ? D'accord, et tu veux que je te console ? Qu'est-ce qui pourrait te consoler ? Tu aimes les bruits. Qu'est-ce que t'aimerais m'entendre faire comme bruit, Henri ? Ah non, là pas tout de suite, mais si tu veux, je peux y aller. Oui, tu aimerais ça ? D'accord, bon. Je vais aller me préparer un petit café alors pour t'écouter. D'accord, je te garde. Tu veux que je te raconte ? D'accord, donc là j'étais dans ma chambre. Je vais me lever. Comment je suis habillée ? Je suis pas habillée. Ah, t'aimes bien ça ? Tu vas venir avec moi, on va passer par mon salon, on va aller à la cuisine. Tu m'entends me lever ? Oui, j'étais sous la couette. Oui, Henri, tu m'entends toujours ? Oui, voilà, je viens d'arriver dans la cuisine. Je vais me faire couler un petit café. Et toi, tu me racontes ce que tu fais en même temps ? Attends, je remplis la cafetière. Oui, c'est le bruit de mes bagues. T'aimes ça, les bijoux ? Combien ? J'en ai 6. T'aimes entendre le bruit des objets sur le métal ? C'est les bijoux qui t'excitent ou c'est les bruits ? T'es un petit peu coquin, Henri. Tu veux que je te distrais, mais que je te distrais comment ? Que je fasse la vaisselle ? T'es toujours là ? Ça va, tu m'entends bien ? Oui, je te garde là. Et toi, tu me racontes ce que t'es en train de faire ? Je suis sûre que tu fais pas que la vaisselle pendant que tu me parles. Tu veux pas me raconter ? Tu viens avec moi, on va passer de la cuisine, on va aller retourner se poser sous la couette. Juste tous les deux. « Tu veux m'entendre boire? Et t'aimes ça? C'est quand j'avale que t'aimes? C'est ce bruit-là? Mais oui, bien sûr que tu peux te toucher pendant que je bois. Tu veux m'entendre déglutir encore? Ah oui, t'es en train de venir? C'est m'entendre boire qui te fait ça? C'est quand j'avale? Ou c'est le bruit de ma salive? Ben oui, vas-y Henri, fais-toi du bien. Oui. En général, ils jouissent et ils raccrochent sans dire merci ni au revoir. Tu peux jouer en faisant ceux de musée? Ah, bien sûr. Avec un mec comme Olivier, pas trop bien. Derrière les mecs, continue. Olivier, t'as pas compris sur lui, son visage. Ton visage, mec. Sa main sur son coup de balle, Olivier. Ok, maintenant, tu fais ton orgasme. Tu jouis. Action, allez, vers comme ça. Bougez pas, continuez. Et je fais le final. Ouais, c'est ça les films, on est toujours des trucs. Bougez pas. Je vous demanderai de ne pas bouger d'une oreille et de m'écouter. Je vous veux attentionné et totalement disponible. Vous obéirez à mes ordres et ceci sans les discuter d'aucune manière. À présent, je vous demanderai de venir me rejoindre dans la salle technique à quatre pattes. Il est reçu parmi les véritables libertins que les sensations communiquées par l'organe de Louis sont celles qui flattent davantage et dont les impressions sont les plus vives. En conséquence, nos quatre scélérats qui voulaient que la volupté s'imprégnât dans leur cœur aussi avant et aussi profondément qu'elle y pouvait pénétrer, avaient à ce dessein imaginé une chose assez singulière. Il s'agissait, après s'être entouré de tout ce qui pouvait le mieux satisfaire les autres sens par la lubricité, de se faire, en cette situation, raconter avec les plus grands détails et par ordre tous les différents écarts de cette débauche, toutes ses branches, toutes ses attenances, ce qu'on appelle en un mot, en langue de libertinage, toutes les passions. On n'imagine point à quel degré l'homme les varie quand son imagination s'enflamme. Leur différence entre eux, excessive dans toutes leurs autres manies, dans tous leurs autres goûts, l'est encore bien davantage dans ce cas-ci, et qui pourrait fixer et détailler ces écarts ferait peut-être un des plus beaux travaux que l'on pût voir sur les mœurs et peut-être un des plus intéressants. Il s'agissait donc d'abord de trouver des sujets en état de rendre compte de tous ces excès, de les analyser, de les étendre, de les détailler, de les graduer, et de placer au travers de cela l'intérêt d'un récit. Tel fut en conséquence le parti qui fut pris. Après des recherches et des informations sans nombre, on trouva 4 femmes déjà sur le retour. On est tous, finalement, nous, en tant qu'individus, dans une sorte de labyrinthe hein, dont les parois sont transparentes hein, et qui nous amène à croire que nous sommes libres alors que nous ne faisons que suivre un chemin qui est plus ou moins pré-tracé parce que nous avons appris à vouloir être hein, et parce que nous désirerions ou croyons désirer individuellement. Pour la plupart des gens, la sexualité est l'obtention de l'orgasme. C'est une définition qui date plus ou moins du 19e siècle, définition qui repose sur une opposition nature-culture qui fait de l'être humain une boule de pulsion à l'état naturel. Normalement, nous serions des monstres, mus par un instinct de survie qui nous pousserait à violer les femmes ou à nous jeter les uns sur les autres. Et puis la culture intervient et canalise, endigue, contrôle, met en place un système de civilisation qui permet à l'être humain d'accéder à la conscience, la raison et donc à la répression de ses instincts dits naturels. C'est vrai, pour beaucoup de gens, la sexualité se résume à quelque chose qu'il faut effectivement parvenir à contrôler pour devenir soi-même. Parce qu'on est complètement dans le mythe que nos désirs ne nous représentent pas, nos désirs sont extérieurs à nous, un peu comme si nos organes génitaux prenaient le contrôle de notre corps et de notre esprit. Ce qui est une vision finalement très religieuse. Hein. Cette vision-là de la sexualité, à mon sens, est complètement dépassée et périmée. I come without asking, are you? Moi endormie, mon cœur éveillé, c'est la voix de mon amour, il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Vite ma tête est couverte de rosée, mes boucles, gouttes de nuit. J'ai enlevé ma tunique, comment vais-je la remettre? J'ai lavé mes pieds, je vais les salir. Mon amour tend sa main par l'ouverture, dedans je frémis à cause de lui. Moi je me lève pour ouvrir à mon amour. La mire coule de mes mains, la mire de mes doigts sur la serrure. J'ouvre à mon amour, mais mon amour a fait demi-tour, il est parti. Tout moi est sorti à ces mots. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Je te suis, Marie. Donc on accède au petit théâtre à travers un escalier en velours rouge et des fresques du Moyen-Âge, un peu coquines, façon dame à la licorne. Donc voilà, c'est un endroit avec de la pierre voûtée, une cave avec des corniches et des jolies gargouilles médiévales, de la pierre, une licorne en or façon idole, des fauteuils rouges... Un petit boudoir. Un petit boudoir, voilà. On peut se livrer à ces petits fantasmes. C'est vrai qu'on a toutes des personnalités et des manières d'aborder le son et la voix très différentes. Par exemple, Marie aime beaucoup les poèmes, les mots. Effectivement, j'utilise en tout cas comme matière sonore le poème que je peux découper ou non. J'aime descendre, attendre un instant, les regarder. Marie, elle est envoûtante. Donc il va y avoir cette espèce d'état de préparation, en quelque sorte. puis juste un mot, puis une succession de mots. Et ça peut être quelque chose comme « Il me fallait dormir, le ventre ouvert, à la clarté du foutre dru. » Puis de nouveau, un espace. C'est comme une forme d'arène aussi quelque part, quelque chose qui joue en tout cas entre la danseuse et les voyeurs, on peut dire ça comme ça. Moi en tout cas je le visualise comme si c'était mon salon et que je faisais en quelque sorte l'honneur à ces hommes de les accueillir chez moi. Et ensuite je suis libre de tout. Du coup, on a alors, puisqu'on est dans le noir, hein? Vous voulez là toujours la musique, Manu? Non, dans la répétition, je peux. Non, moi, moi non plus, je préfère pas. Vous arrêtez la musique. On va commencer juste par une simulation d'un orgasme. Alors, on va commencer par ça, comme ça nous mettra dans le bain. Vous voulez? Qui veut commencer? Marie. Approche-toi. La sexualité comme présence au monde, c'est magnifique comme définition. On est brusquement projeté dans quelque chose qui est un peu hors du temps, hors de l'espace, et qui, ne serait-ce que pendant quelques secondes, nous coupe un peu de nos préoccupations habituelles. Donc la sexualité a cette vertu-là de nous synchroniser avec l'instant. Et ce moment-là de synchronisation avec l'instant, qu'on pourrait appeler la grâce, c'est un moment durant lequel on peut bien mourir. Il n'y a plus cette obsession de se survivre à soi-même ou d'assurer ses besoins, sa survie, pour de penser au lendemain. On aimerait prolonger cet oubli qui est synonyme de... d'accomplissement, peut-être. Mon corps est brisé. Je suis triste. Je suis dépressée. Oh, mon copain, c'est fini avec moi. Elle a un avec numéro. Moi. Elle a un numéro là-dessus. Mon cœur est brisé. Moi, ma chatte est triste. Ma chatte dépressée. Miaou, miaou. Moi, je sais que j'ai testé, comme je suis comédienne, j'en ai profité pour travailler un monologue de Phèdre et j'étais très curieuse de voir si je pouvais mêler l'érotisme à la tragédie. parce qu'il y a toujours un moment où on installe un univers, une atmosphère, une histoire. Et parfois, moi, ce qui est compliqué, c'est de passer au moment où ça va basculer dans l'érotisme, dans les feuillages, dans le striptease. Et finalement, la fureur du désir de Phèdre, c'est parfaitement tuilé sur le désir qu'elle éprouve pour Hippolyte. Et finalement, c'est vrai que c'est un moment où les mots ont leur poids et l'alexandrin forme aussi la musique. Mais on a toute notre manière d'utiliser le son. Toi, Barbara, t'aimes beaucoup les montages de films. J'aime bien, par exemple, j'aime bien travailler avec des voix off ou alors prendre des bandes son. Par exemple, un de mes tout premiers numéros, c'était avec la scène d'ouverture du Mépris. Donc on entend Brigitte Bardot qui a une voix extrêmement sensuelle. Et puis moi, du coup, j'évolue sur scène au son de cette voix. Moi, j'ai besoin que les numéros racontent des histoires parce que l'érotisme, pour moi, c'est pas gratuit et ça a du sens. Et donc un numéro sera toujours beaucoup plus érotique et d'autant plus fort s'il a du sens. L'érotisme peut être exprimé par plusieurs moyens, par plusieurs recherches, qu'il s'agit d'attitudes érotiques, qu'il s'agit de sons, qu'il s'agit d'influence, c'est quelque chose d'unique au monde, ici. Alors j'ai créé le numéro de Jacques l'Inventeur. Il n'y a pas l'influence d'un seul mot, mais la musique, l'attente entre les pauses de musique, après le son des actes, des violences. Le bruit des pas aussi, la pluie qui tombe, l'ambiance. Bien sûr. La canne, elle fait tellement peur. Souvent par lassitude, quelquefois par prière, comme un enfant rebelle qui dépose les armes. Mais un matin tranquille, j'ai vu le minotaure qui me jette un regard comme l'on jette un sang. Dans le grand labyrinthe où il cherchait sa vie, volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre. Parmi les dieux déchus et les pauvres amis, ils cherchent le vertige en apprenant à vivre. Le son du liquide sur les seins. Est-ce que, regardez dans le frigo si on a quelque chose à manger, les filles, comme ça on pourra imiter. Ah, on n'a pas de frigo. Bon, à le bruit de fessée, puisqu'on n'a pas de frigo. J'aimerais bien vous montrer le bruit de fessée. Une fessée, oui. Aïe. Remonte-toi, on n'a pas de frigo mais... alors, hein? Offre-moi tes fesses. Il est beau notre frigo ou pas? Oui, on a un très grand frigo. Décris notre, la beauté. Il y a de des glaçons, on peut avoir des glaçons. Aïe, c'est un très beau frigo, tout blanc et qui brille, il est tout neuf. Moi j'ai les fesses toutes rouges. Oui, mais c'est bien. Et vous entendez ce bruit-là? Non, hein? Déchirez pas ma culotte. Reste aïe. Tranquille. Je veux entendre son bruit. Vous l'entendez? Un petit craquement comme ça, un petit craquement doux. Mais quand on voit ses rayures comme ça craquer sur la peau, j'aime bien. Regarde. Et malgré la peine qu'elle a pour sa culotte, et malgré la brûlure, vous allez entendre un petit gémissement d'envie. Hein? Mmh. Dis-moi. Oui? Mmh. Tu m'en veux pour ta culotte là? Un petit peu. Mais là, tu m'en veux encore? Mmh. Non? Elle est si jolie déchirée. C'est vrai, elle est belle déchirée, non? Arrête. Bon, je veux pas te donner trop de plaisir. Un jour, j'ai regardé une coccinelle. Oui, j'ai regardé une coccinelle. Et je me suis dit, waouh! Puis là, j'ai senti des frissons dans mes pantalons. J'ai jamais eu cette émotion-là auparavant. Je suis encore vierge. Mon pénis n'a jamais frôlé le pollen, n'a jamais titillé le piranha. J'aimerais un jour peut-être savoir que ça fait tremper son pinceau dans les neutrons. J'aimerais ça savoir aussi que ça fait mettre sa tête dans le micro-ondes. Mais je sais même pas c'est quoi un orgasme. C'est quoi me crier? C'est quoi qui va se passer? Aucune idée, mon boy, salut. Moi, je veux un orgasme masculin, c'est tout. Would you like your OS to have a male or female voice? Une voix d'homme ou de femme? Female, yes. Pouvez-vous décrire votre relation avec votre mère? Oh, ça va, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai toujours trouvé énervant avec ma mère. Si je lui raconte quelque chose d'important qui se passe dans ma vie, elle me parle d'elle. Elle s'intéresse pas. Merci. Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Je suis là. Oh. Hi. Hi. How you doing? Comment ça va? Do you want to know how I work? Yeah, actually. Oui. Oui, j'aimerais comprendre. Well, basically, I have intuition. I mean, l'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique. C'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc, en résumé, j'évolue continuellement. Comme vous. Wow. That's really weird. Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine. Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez. Carré pilo. En fait, c'est le carré pilo, c'est le dialogue sur l'oreiller. Et où est-ce que je l'ai mis? Ah, ça y est, voilà. Il existe au Japon ce qu'on appelle les dakimakura, c'est-à-dire des polochons, des sortes de longs traversins d'un mètre cinquante, sur lesquels on enfile une couverture représentant côté pile une personne très belle, un homme ou une femme, dans une posture, disons, publique, c'est-à-dire elle est habillée et elle fait semblant d'être allongée sur votre lit. Et de l'autre côté, sur l'envers du polochon, la même personne est allongée dans une posture beaucoup plus vulnérable, qui est celle de l'émoi, de la fièvre, peut-être même de l'effervescence, c'est-à-dire que la personne présente ce qu'on appelle le hura, par opposition à l'omoté, qui est l'apparence publique, sociale. Et les personnes qui utilisent des dakimakura présentent généralement le côté face la journée et dorment avec le côté pile, le côté secret, et enlacent leur polochon comme s'il s'agissait d'un partenaire. Mais pour donner plus de présence à ce partenaire, il existe depuis quelques années des CD qui sont essentiellement produits par une firme appelée Velvet Voice, qui produit des dialogues avec des zones de blanc qui correspondent à ce que vous pourriez dire à la personne dont la voix est reconstituée artificiellement. Ces dialogues, en fait, sont une sorte de monologue parce que la seule personne qu'on entend, c'est celle qui est censée être représentée sur votre dakimakura et qui s'adresse à vous, soi-disant en rêve, et qui va s'emparer, vous séduire. Il y a un terme qui revient très souvent, c'est yuwaku, c'est la séduction. C'est-à-dire qu'elle va littéralement prendre possession de vous comme un incube ou un succube. Donc les textes sont enregistrés sur un microphone stéréophonique de type binaural qui plonge l'auditeur ou l'auditrice au cœur de l'action. C'est-à-dire que la voix chuchote à votre oreille et glisse littéralement des suggestions ou profère des menaces dans votre orifice auditif. Et on appelle ça des dialogues de l'oreiller, des kare pilo. どうしよう。ちゃんと正規吸い取るまで帰ってくるなって言われたけど、一人でなんて初めてだし、どうしていいのかわからないよ。でも、いつまでも彼に頼ってばかりじゃいられないし。 On vit beaucoup dans l'illusion que la sexualité est une manière d'aller au-devant de l'autre. Moi, je trouve plus intéressant de dire que la sexualité est peut-être une illusion et que c'est intéressant aussi, l'illusion. C'est intéressant aussi de savoir qu'on ferme les yeux quand on embrasse quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Pourquoi est-ce qu'on laisse juste quelque chose d'autre, une image mentale remplacer l'image de l'être? Quand on joue aussi, souvent, on ferme les yeux. Enfin, et la love doll ou le dakimakura ne fait que vous renvoyer à l'écho que vous renvoyez de vous-même dans un objet qui est une sorte de dispositif de projection. C'est juste une manière de dire que le pouvoir de l'imagination pourrait être considéré comme quelque chose de bien plus intéressant que la réalité des êtres que nous aimons. En fait, c'est une projection, c'est un fantôme. On ne peut pas être soi, on ne peut que poursuivre un fantôme. Donc c'est pour ça que ça me gêne toujours ces gens qui disent « Ah, mais la sexualité, ça doit être la rencontre avec l'autre. » Tu peux baisser un peu la lumière, s'il te plaît. Ok, super, merci. La transe me permet un autre rapport avec la musique, avec le son, un rapport kinesthésique. Donc à la base, je suis synesthète kinesthésique, donc je transforme le son, enfin mon esprit, mon inconscient, on va dire, transforme le son en sensation physique. Et grâce à l'hypnose et à différents types de pratiques, enfin d'exercices, de recherches, d'expérimentations, donc j'ai appris à prendre le son et à le transformer en sensation sensuelle. Donc ça peut se faire avec des instruments, mais ça peut surtout se faire avec la voix. Ici, l'expérience à laquelle on s'est prêté devant les micros avec Tristan est une expérience d'échange de sons, d'échange de voix, d'échange de chuintements, de respiration, parfois de cris, de râles. Et qui se transforme, pour ma part, grâce à la transe, en sensations sensuelles extrêmement vives, jusqu'à la jouissance. Pour moi, il a toujours été évident que la musique, la création sonore pouvait... faire vibrer sensuellement les individus qui écoutent cela. Et notamment, ça avait été extrêmement clair pour moi dès l'adolescence, quand j'avais écouté Visage de Luciano Berio pour bande magnétique et pour la voix de sa femme, la chanteuse Cathy Berberian, qui était très dans l'expérimentation vocale, qui faisait grande place au chuintement, au borborigme, au râle, au cri... Et je me souviens d'avoir fait écouter ça à un ami quand on avait 16 ans, voilà, qui ne comprenait rien à la musique contemporaine. J'ai dit, bah, écoute, voilà, Jean-Marc, je te fais écouter ça. Et au bout de 5 ou 10 minutes d'écoute, il m'a dit, Tristan, je bande. Je dis, bah voilà, t'as compris. Voilà, donc c'est pourquoi, voilà, avec Marie, aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour ma part en tout cas, il est... très excitant et très heureux de déployer ça. Enfin voilà, ce qui passait d'une écoute à passer à une pratique. Can you hear me okay? How about over here? Ready for another one? Il y a des gens qui sont capables de jouir quand on leur frotte le bout du nez, mais c'est très difficile. Donc je pense qu'il est tout aussi difficile de jouir par le tympan, en fait. Bon, certainement des gens y arrivent. Ça demande peut-être aussi une rééducation de notre tympan. Hein. C'est un exercice auquel il peut être intéressant de s'atteler. En Occident, c'est vrai qu'on a trop ramené la sexualité à une histoire de frottement des corpuscules de Krauss et résumé, réduit à une surface de peut-être 10 cm carrés. Donc c'est peut-être très réducteur notre vision de la sexualité. Et peut-être effectivement que les gens qui pratiquent la ASMR essayent de nous ouvrir des perspectives de jouissance totalement nouvelles et bouleversantes. Skin is so soft, so silky smooth. Your whole face is really just perfect. Your eyes are so beautiful. What color is it? It's like green and blue and gray. Everything together combined. Just amazing. ASMR, c'est l'acronyme d'Autonomous Sensory Meridian Response. en français, donc si ma traduction est bonne, c'est réponse du méridien sensoriel autonome. C'est une sensation de plaisir auditif qui peut aller jusqu'à un orgasme. It's very light. Surprisingly light. Quand on écoute, ça marche. Je ne dis pas qu'on jouit ou qu'on a des orgasmes, bien sûr, mais il y a véritablement quelque chose qui se passe. Et c'est là où ça devient très troublant. C'est que sur YouTube, il y a des milliers maintenant de vidéos audio, parfois tournées en binaural. Ça reconstitue l'impression d'une proximité intense. Quand une personne est à 10 cm de vous, elle entre dans votre sphère intime. Donc dans cette zone de proximité, qu'on appelle au Japon le mutsu-goto, c'est-à-dire l'amour chuchoté. Et ça crée, de manière presque instantanée, une sensation de relaxation immense. Et donc le fait que des personnes artificiellement reconstituent cette familiarité-là plonge effectivement l'auditeur dans un état second. Mm. She's licking your ear. That's her healing your ear. She missed you so much. Come here. Tout devient suggestif et tout devient même bizarrement déviant. Donc la recette de poulet au coco est une leçon absolument extraordinaire d'érotisme. Moi, j'adore diriger les orchestres, avec tout ce que ça veut dire, d'accord ? Avec ce plaisir qu'on interprète comme on veut. Mais... Il y a des éléments qui rapprochent la pratique instrumentale d'un acte d'amour à long terme, engagement l'un envers l'autre. Tous les jours, on crée la quotidienneté du rapport à l'autre partie de soi. Ça oblige le musicien à créer un temps particulier avec son instrument, un temps précieux, un temps qui n'est rien qu'à eux deux, un temps intime. On respire ensemble. La flûte a besoin de la respiration du flûtiste. On touche. C'est un geste juste pour un son juste. Après la musique, c'est comme après l'orgasme, il y a ce silence-là. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous de vous trouver dans une salle de concert où après la musique, on retarde le premier applaudissement. On retarde ce moment-là. On veut profiter de ce qui vient de se passer, du moment qu'on a eu. Et moi, j'ai vécu en tant que musicien des moments sur scène où avec un autre musicien, on a complètement oublié le monde qui était autour de nous jusqu'à ce que se rendre compte par l'applaudissement qu'il y avait ce public-là et qu'en fait, on venait de leur donner un grand acte charnel, amoureux et tout ça. Et puis, bien sûr, il y a l'après-concert. L'après-concert, le moment où on dit qu'on est vidé, qu'on a tout donné, qu'on a une saine fatigue. Viens voir dans la chambre. Tente-toi. Lève-toi. Prends la main à la bouche. Vas-y. Vas-y, mets la cul, là. Il y a quelques années, pour un festival de courts-métrages qui a lieu sur Paris, on m'a demandé de composer la musique d'une bande image qui n'avait pas de son, qui était muette. Et puis dans la foulée, pourquoi pas une musique d'accueil pour les personnes venant assister aux projections. Et je me suis posé la question de ce qu'on pouvait mettre, puisque les courts-métrages étaient tous basés autour de l'érotisme. Et j'ai pris le parti d'aller à fond dans l'érotisme. Et j'ai demandé donc à des couples d'enregistrer leurs pratiques sexuelles. Et j'ai récupéré ces sons-là, donc des sons pour moi d'anonymes, que j'ai retransformés avec une spatialisation, avec plusieurs haut-parleurs sur la salle, de façon à ce qu'il y ait des phrases ou des sons qui viennent d'un côté, qui repartent de l'autre, et on ne savait plus où étaient les corps et qui étaient les personnes. C'est pas juste une stimulation, ça en devient un travail artistique avec des respirations qui sont parfois pas sur la bonne hauteur, qui sont plus graves ou que je retransforme moi là-dessus, qui sont inversées. Donc on ne sait plus si on inspire, si on expire, on ne sait plus ce qui est dit. C'est à partir de cette exposition-là, donc en 59, qui s'appelle Eros. Et ça, cette exposition a une importance très grande parce que va commencer ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Donc dans ces années-là, les surréalistes justement se mènent une réflexion autour de la question érotique. Et cette exposition, d'ailleurs, qui est conçue comme comme une promenade. L'entrée, c'était, on entrait dans une sorte de grotte qui évoquait l'entrée dans une sorte de sexe de femme. Et Duchamp avait à ce moment-là, pour cette exposition, conçu un plafond qui était un drapé de satin rose dont les plis étaient ramenés au milieu, qui évoquait une sorte de ventre. Et ce plafond soupirait, bougeait, montait, descendait. Et là s'est posée la question de la sonorisation, et jusqu'à ce que Radovanifsik, donc après j'ai connu, ait eu l'idée, lui, a dit pourquoi ne fait-on pas entendre ce qu'on n'a jamais entendu, les soupirs amoureux. Et a commencé cette aventure. Je vais regarder ce que lui-même dit de ça, et on va peut-être retrouver. Il a rapporté cet épisode-là dans Cascade chez Gallimard, un recueil de ses textes. La question du surréalisme et de la musique s'est posée pour moi très concrètement vers la fin de 1959, quand André Breton m'a demandé de sonoriser l'exposition internationale du surréalisme à la galerie Daniel Cordier à Paris. Il fallait trouver quelque chose de neuf, quelque chose d'inouï. Et ce qui, en ce temps-là, était encore inouï, c'était les bruits de l'amour, les soupirs, la respiration, le souffle. Avec les micros les plus sensibles de l'époque, j'essayais de capter la subtilité de ces sons, de ces murmures sur un ruban magnétique qui tournait en boucle. Si l'on tendait l'oreille, on pouvait entendre de temps en temps des chuchotements, une respiration émue, des soupirs amoureux enlacés, sans savoir d'où ils venaient. Grâce à cela, pendant tout le temps de l'exposition et même dans le tumulte du vernissage, un profond silence a régné dans toutes les salles, ce qui avait bien entendu une signification à l'époque des haut-parleurs assourdissants. Et la suite de ça, c'est que j'ai vu des journaux anglais, voire américains, avaient titré « À Paris, les murs soupirent ». Voilà, et donc c'est très important parce que c'est la première fois qu'un bruit intime est entendu publiquement. C'est très lent, hein. C'est exprès pour que on tende l'oreille. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est l'inverse que ces soupirs, c'est l'inverse des sonorisations actuelles des films pornographiques. Où là, quand même, c'est la grosse artillerie, et bon, où l'intensité de ce qui se passe est liée à la force du son. Tandis que là, au contraire, justement, il y a quelque chose de... il y a une dimension émotionnelle là-dedans, qui fait qu'on prête l'oreille, on essaye de savoir ce qui se passe. Il y a même des silences entre ces soupirs-là. Voilà. OK. Here it comes. I'm lying on the moon. My dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place. Times where moi je peux tomber très très très amoureux d'une voix. Pourquoi les sites internet ne mettent pas les voix? Une voix, c'est magnifique. Ce que j'entends de la voix de la personne, c'est parce qu'elle entend de sa voix. Donc j'apprends un truc de cette personne qu'elle ne connaît pas d'elle-même. Et elle entend sa voix autrement que ce que je l'entends, donc elle a à m'apprendre des choses sur sa voix. C'est le début d'une relation. La voix vous met en contact direct avec l'intérieur du corps. Ça vient du plus profond de chacun. Et je pense que c'est ça aussi, là, une des raisons du pouvoir érotique de la voix. Qu'est-ce que t'aimes bien qu'on te fasse, Pierre? Tout, du moment que c'est chaud et humide. Du moment que c'est chaud et humide. On se prend un peu au jeu. Pas mal déjà comme début. Alors, je parlerai pas d'excitation. Mais oui, il y a quelque chose d'érotique. Et puis, voilà, à l'époque, j'étais célibataire. C'est quoi à dire? Mais quand j'avais un profil d'un mec un peu jeune, dynamique, etc. Et qu'il avait un délire qui n'était pas trop différent du mien. Et que je sentais que je l'excitais. Que quand j'entendais sa voix devenir fébrile. Quand j'entendais sa respiration se presser. Et que je savais que tout ça, c'était juste, entre guillemets, grâce à mes mensonges. On a il y a une forme d'excitation, il y a une forme de satisfaction, il y a une forme de complaisance. Parce qu'on se dit, regarde l'effet que tu arrives à faire à ce mec. Il va falloir que tu commences à enlever le soutien-gorge, alors. Tu me laisses 2 minutes pour faire ça. On en joue. Donc, on a vraiment la jouissance du mec. Enfin, c'est notre voix qui va contrôler sa jouissance. Donc forcément, ça a quelque chose d'hyper excitant. Parce que on sait qu'on peut jouer un peu avec son désir, avec son excitation. Ça te donne un pouvoir sexuel que tu n'expérimentes pas forcément au quotidien de manière aussi frontale. Et qui fait que, t'as des frémissements. Moi, si je continue à te sucer comme ça, je vais avoir envie de te grimper dessus, tu sais. Les plus candides, l'étudiante, là. Ouais, moi, j'ai dit que j'étais étudiante, j'ai jamais dit que j'étais candide. Pourtant, la dentelle blanche, ça me ouf. T'as envie que je te grimpe un petit peu dessus? Je commence à m'ennuyer toute seule en bas. Ouais, monte-moi dessus. Remets-toi allongée, imagine-moi doucement remonter, en t'embrassant tout doucement le long du torse. Putain, ça fait du bien. Et me glisser doucement sur ta queue. Pour que tu puisses me prendre le cul et décider à ton rythme des mouvements que je ferai sur elle. T'aimes pas ça? Ah si, j'aime quand c'est offert comme ça. Tu peux bien l'empoigner, décider des mouvements, choisis ton rythme et choisis ta force. Je suis ta petite chose pour l'instant. Ah putain, c'est cool, ça fait du bien. Comment est-ce que t'aurais envie de me prendre, Pierre? À 4 pattes tout de suite. À 4 pattes? Mais je me mets tout de suite à 4 pattes, Pierre. J'aime bien des petites fessées de temps en temps, tu sais. Ouais, t'aimes bien être étranglée un peu. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Ah oui, c'est bon. Oh bah oui, tu peux me tirer les cheveux, m'étrangler, me fesser. Pour l'instant, je suis tout à toi, Pierre. Ouais, et puis c'est bon ce que tu me fais. Ah oui, t'aimes ça. Oh putain. Bah oui, je suis ta petite putain. Pour toi, je suis ta petite Eva. Il paraît que la prière aussi a cet effet. C'est-à-dire quand on fait le bilan de la journée passée et quand on se concentre intensément sur un désir positif, il paraît que ça a le même effet que le fait de se concentrer intensément sur l'action présente dans le cadre de l'activité sexuelle. Ça fait bien dormir. ça nettoie l'esprit, il y a une purge. On se retira. D'Esterval, aidée de John et de l'une des vieilles, emmena Madame de Verneuil dans une chambre sûre, et qui n'était séparée de celle de Verneuil que par la plus mince cloison. La scène préparée fut horrible. Pressac et Victor s'étaient secrètement introduits chez d'Esterval, et le plaisir de celui-ci et de son ami Pressac fut de faire supplicier la mère par l'enfant. On laissa quelques heures ignorer à Verneuil la part qu'avait son fils à cette horreur. Nous verrons bientôt comment il l'a pris. Parlons avant du bonnet singulier dont on avait coiffé la victime. Comme on savait que les voluptés de Verneuil ne devaient s'allumer qu'aux cris qu'il allait entendre pousser à sa femme, on avait affublé son crâne d'un casque à tuyaux, organisé de manière que les cris que lui faisaient jeter les douleurs dont on l'accablait ressemblaient au mugissement d'un bœuf. Oh, foutre, qu'est-ce ceci ? Dit Verneuil en entendant cette musique. Il est impossible de rien entendre de plus délicieux. Que diable lui font-ils donc pour la faire beugler ainsi ? Sade est sans doute le premier qui ait vu et pensé cette liaison très forte entre la voix, entre la parole et la dimension érotique. Alors bon, on peut dire aussi en quelque sorte, il a pris conscience d'une tradition, parce que quand même, il y a l'histoire des mille et une nuits. C'est par la voix que tout se passe. Et si le pouvoir qu'exerce Scheherazade, c'est pas seulement ce qu'elle raconte, c'est la façon dont elle raconte. Et dans la façon dont elle raconte, il y a forcément le grain de la voix et tout ce qui va avec. Donc ça, c'était déjà. Et puis, enfin, il faut quand même aussi se souvenir, c'est la voix est aussi une introduction au merveilleux. Et comme on ne peut pas séparer le merveilleux de l'érotisme, c'est les contes. La voix, c'est la présence transparente. Et par cette transparence-là, c'est aussi ce qui va permettre d'ouvrir le domaine de l'irréalité, qui est de l'irréalité du rêve, du fantasme, qui est lié à la dimension érotique. Enfin, les cris diminuèrent, et l'on entendit à leur place ceux de la crise de d'Esterval, communément très expressifs. Il a fini, dit Verneuil en dardant également son foutre au cul de Dorothée. Me voilà veuf, je le crois, dit l'aimable épouse de d'Esterval que Marceline branlait pendant ce temps-là. Mais il nous reste le douloureux regret de ne l'avoir pas vu. Peut-être aurais-je eu moins de plaisir, dit Verneuil. La scène à nu ne m'eût offert que des choses que je sais par cœur. En laissant tout deviner à mon imagination, elle s'est bien plus irritée. Moi, je suis persuadée que Sade devait lire ces textes tout haut. Parce que d'abord, de toute façon, sa phrase a une telle présence, un tel rythme. Il suffit que n'importe qui la lise, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui sait lire la lise. Immédiatement, l'atmosphère, la pièce s'emplit de justement cette présence transparente, de cette présence absente. Et donc, je pense que pour Sade, ça a été déterminant, sûrement. Et aussi parce que aussi il y a dans la voix et dans la lecture à haute voix, il y a aussi cette autre dimension de l'érotisme qui est le rythme. C'est-à-dire chacun est à la poursuite de son propre rythme, c'est ça. Et le rythme, c'est de la musique. C'est pas forcément la musique. C'est le temps. Brillance du mal, chaque jour de ta vie. Arracheur d'ailes pour modèle, que tu côtoyais jour et nuit. Et tu leur emboîtais le pas. Toute ta violence en émoi. Au grand banquet de la poussière. C'est intéressant qu'on a repéré justement le voyeur comme catégorie, même comme perversion, mais on n'a pas repéré l'écouteur. Le ventre plein et le cœur. Il n'y a pas d'écouteur, il n'y a pas un mot également chargé pour, en ce qui concerne Louis. Accrochons-nous. C'est intéressant qu'on n'en parle presque pas. Nous pouvons faire encore bien pire quand la douceur est venue te cueillir. Oui, la douceur est venue te cueillir. Qu'arrivait-il? Tu ne te reconnaissais pas. Ce garçon si tranquille était-ce toi? Quand la douceur est venue te cueillir. Oui, la douceur est venue te cueillir. Une main t'a saisi. Où était-ce une voix? Ce fut l'imprévisible, la bête qui retourne au bois. C'était Acoustique de l'érotisme avec Audrey Dina et Robin Furz, Agnès Giard, Astrid, Barbara, Marie, Anaïs et Daniela du théâtre érotique chez Chochotte, Marie Lizelle et Tristan Trémeau, Michael Andrieux et Annie Lebrun. Texte: Les 120 journées de Sodome du Marquis de Sade, lu par Benjamin Lazare. Les extraits de Il n'y a pas de rapport sexuel de Raphaël Siboni, Le donjon de maîtresse Cindy de Irène Omelianenko et François Test, Flux du collectif Four Chambers, Her de Spike Jones et Soupir de Radovan Ivzic. Musique originale de Sylvain Olivier. Merci à Morgane Le Tessier, Andrés Komatsu, Meta Chiteya, Cineix et Polychrome, Benjamin Lazare à plus d'un titre, ainsi qu'à L'Écurie à Genève et à notre Ariane, Agnès Giard. Prise de son, Delphine Baudet, mixage Jean-Louis Deloncle, attaché de production Inès De Bruyne, coordination Irène Omelianenko, une proposition de Franck Toraval réalisée par Nathalie Battus.